j'ai jamais su d'où ça me venait. Depuis le début, j'excelle dans le maniement d'armes. Soro Soro nommé, j'suis dans le maniement d'armes. Je découpe les prods avec précision. Quand beatmaker m'appelle, ils prennent sage décision. Scalpel ressort de la roue, mais graille leurs éditions. Quand j'rappe, c'est que pour faire mouche, pas pour effleurer. Moi, j'vise pas au fleuré. Forcément, ça touche si dans ton corps est fourré. Ma lame, j'pourfends les préjugés, j'maîtrise le souffle. Discours bluffant, j'te coupe le souffle. J'suis de l'affinité d'Azuma, c'est le mafouba quand le vent souffle. Ouais, ma meilleure arme, c'est ma voix. Vois que c'est un choix, elle peut te fendre le cœur ou te transpercer de joie. Je coupe, je tranche, je cisaille, j'ai pas en deux. Ils sont comme nous, mais ils sont pas dangereux. Ils ont des armes, on a les mêmes en mieux. Ne joue pas, c'est pas les mêmes enjeux. Je coupe, je tranche, je cisaille, j'ai pas en deux. Ils sont comme nous, mais ils sont pas dangereux. Ils ont des armes, on a les mêmes en mieux. Ne joue pas, c'est pas les mêmes enjeux. Je reviens de loin, Ichino Kata, je suis dans le mal. Du mal à dire ce que j'ai sur le cœur. Chez nous y'a pas de confessionnal. Je crache des flammes, j'ai la gorge en feu. Pour fendeur de bâtard, la vérité blesse. Hino Kami Kagura sur les lunes démoniaques du Front National. On a l'art de la guerre, donc faites pas les shows. Le code de l'honneur suit des bougies d'eau. On a perdu du sang et des êtres chers. On a plus peur de perdre ou trois chicots. C'est pas facile tous les jours, mais j'essaye d'assumer mes choix, gros, y'a pas de magie. Accepter mon sort et partir en paix. Comme les parents du jeune Itachi. Pour fendeur de bâtard, la vérité blesse. Le Ken Kidama Love n'est pas un mythe. J'envoie toute ma force à mes nakama. Et un chichi sonne sonne à ces hypocrites. Je coupe, je tranche, je cisaille, j'ai pas en deux. Ils sont comme nous, mais ils sont pas dangereux. Ils ont des armes, on a les mêmes en mieux. Ne joue pas, c'est pas les mêmes enjeux. Je coupe, je tranche, je cisaille, j'ai pas en deux. Ils sont comme nous, mais ils sont pas dangereux. Ils ont des armes, on a les mêmes en mieux. Ne joue pas, c'est pas les mêmes enjeux.